Arc-en-ciel Orléans. Arc-en-ciel Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. L'After Job, avec Francky, aujourd'hui de 16h à 18h sur Radio Arc-en-ciel, 96.2 FM. Yo soy de la yeca, dile a tu novio que no se meta. Metalo con los tigueres a tu alta. Tengo todo y tengo la vaca. Mete la mano, la mujer es guapa. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Hola, hola, je j'espère que vous allez bien. C'est Francky dans la radio, ça me fait plaisir de vous retrouver. Puis ça me fait plaisir de mettre Michel à la porte de la radio. Salut mon Michel. Il y a des travaux, il y a des ouvriers, ils sont partout. Voilà, on est en train de refaire les studios. On va avoir des beaux studios tout neufs dans quelques semaines. Avec mon Mimiche qui s'en va, j'espère que vous allez bien. Invité d'honneur aujourd'hui, ce sera J. Rodriguez qui sera dans nos studios tout à l'heure à 16h30 en direct. Et ouais. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Il sera dans nos studios en exclusivité. Ah ouais, il est sur la route, il m'a dit à 16h15, je suis là à peu près. Et puis J. Rodriguez, vous allez le connaître, vous l'avez certainement connu, toujours reconnu. Il cartonne en ce moment sur le son Latina. Voici un de ses premiers titres, La Nueva Historia. C'est J. Rodriguez avec Steve Watt, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée à vous. Cuando llegas a mi lado, dime qué tengo que hacer. Siento los latidos de tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me bebe loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita, encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Mi mano en tu pelo, besar tu boquita, con la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme, no solo mirarte hasta el final. Mi favorita, si no favorita, me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo. Mira las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acaricio tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. I'm tired of the running. I wanna be the nuts. It's true, it's true, it's true, it's true. Si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía, mi amor. Es el momento de decirte que ya no puedo. Mira las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acaricio tu cuerpo. After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. 16h-18h sur Radio Arc-en-Ciel. J'espère que vous allez bien, on est bien. Il n'y a pas de soleil, mais quand il est dans les studios, j'ai envie de dire que le soleil brille. C'est Gilles Rodriguez, on va l'accueillir tout de suite. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'ai envie de dire que le soleil est là aujourd'hui. Gilles Rodriguez qui est notre invité, bonjour. Ouais, pas la familia. Comment tu vas bien? Ça va la pêche, impeccable. Bah, ça me fait plaisir de te revoir sur cette belle radio. Moi aussi, ça fait une petite année déjà. Ouais, une bonne année, ouais. On s'est pas vu. 34 ans pour Radio Arc-en-Ciel. Ouais, alors, bon anniversaire. On voulait s'excuser s'il y avait un peu de bruit parce qu'on a des gars qui travaillent. Il y a un chantier énorme dans la radio. Mais on est bien quand même, hein. on est pas mal. Bientôt des studios tout neufs, ouais, neuf, du coup. On va être bien, alors là, ça va être un truc de ouf. Ah, je suis pressé de voir ça. Alors pressé, bah toi pressé de faire des tubes, parce qu'en ce moment, bah ouais, ça progresse depuis. Ça monte petit à petit, ouais. Ouais, depuis combien? Plus d'un an, la Nueva Historia? Ouais, bah 2 ans déjà. Déjà. Sinto Amor avec Macassi il y a un an, tu piles. Ouais. Et puis là, le petit nouveau qui est sorti au mois de juillet, Entre Toyo. Avec Lilou. Et Macassi aussi. Et Macassi aussi, il est dedans. Lilou, c'est rigolo parce que c'est l'été dernier, je crois, je l'ai rencontré à côté de Montpellier. On a fait un showcase avec Francky Vincent. Ouais. Ouais, on était en vacances et puis on s'était rencontré là-haut. On avait bien discuté avec son père. C'est son père qui s'occupe d'elle. Robert. Ouais, c'est son papa. Ouais. Super sympa. On avait mangé ensemble avec Francky. Et puis on avait passé un bon après-midi. Bah, aujourd'hui, on est heureux de t'accueillir, Gilles Rodriguez. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. Tu es de Chartres, je crois, c'est ça? C'est ça, ça n'a pas changé, je suis toujours là-bas. Ça me fait plaisir parce que tu as fait la route. Hein. C'est sympa de faire Mais la moi, route. C'est toujours un vrai kiff d'être ici avec toi, Francky. Et puis la radio, bah, comme je le disais, 34 ans d'existence, donc une grosse communauté portugaise qui nous écoute, latino aussi. Ouais, sur le secteur orléanais, ouais, c'est beaucoup latino. Ah, c'est énorme. Ouais, ici, c'est énorme. Ouais, et puis là, ils sont tous en train de rentrer des chantiers. C'est ça que c'est bon, ils écoutent Radio Arc-en-Ciel à fond. T'étais sur Latina, c'était la semaine dernière. C'est ça, mardi, on a enregistré mardi et l'émission a été diffusée vendredi soir et samedi soir pour la fameuse soirée Latina Party au MK Club. C'était bon. Qui était j'ai pas de mots. C'était du lourd. C'était trop lourd. Franchement, ouais. C'était énorme. Vraiment un public de fou, le club, rien à dire. Encore une fois, merci à Pedro, le patron et tout le staff. Franchement, c'est une super boîte. Et puis vivement un petit club orléanais, pourquoi pas. Hein. Ouais, bah bientôt, ouais, on va se programmer ça sur Orléans avec plaisir. C'est avec plaisir. Bah Mario et Roberto toujours en forme. Toujours en forme. Ouais. Je les ai jamais vus aussi en forme que samedi soir. On en discutait en antenne, on s'est pris un petit café ensemble, on s'est dit bah toujours en CD. Ils tournent avec des CD les mecs. Hein. Ouais, c'est toujours impressionnant de voir encore des DJ qui tournent au CD, tout ça. Moi, non, c'est cool, hein, ça fait plaisir à voir, hein, c'est vrai. Et je vais te dire pourquoi moi j'ai arrêté, parce que moi avec le progrès, moi je suis un peu. Ouais, bien entendu. Autre chose. Ouais. Mais l'avantage des CD, je dirais, c'est quand tu tournes les pochettes, tu sais, t'as pas pochettes. Tu vois les titres. Déjà tu vois les titres, t'as plus besoin de chercher parce que tu dis ah bah tiens ça il y a longtemps que je l'ai pas joué ça aussi. C'est vrai. Alors que maintenant la facilité d'appuyer sur un ordinateur, de dire bah tiens je te prends l'être, hop j'ai le titre carré. Ouais voilà, il y a bien peut-être, il y a toujours un plaisir, mais c'est vrai que travailler comme à l'ancienne, c'est top aussi. Ouais, non, franchement c'est bien. Ah c'est les seuls au monde, hein, je crois. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille encore au CD, mais franchement non, c'était une super soirée. Ah, c'est du lourd. En tout cas, ce titre, on s'en souvient. On s'en souvient, je m'en souviens encore. Ouais, ça marche. Gilles Rodriguez va casser sur Radio Arc-en-Ciel. Es la primera vez que yo te veo. Estás sola, no lo creo. Dime por qué me miras con esos ojos de amor. Quiero saber lo que tú piensas. Que no me quieres, no me lo digas. Eres el amor de mi vida, mi querida, mi princesa. Tengo muchas cosas para darte. Mil poemas, mil canciones. Si quieres ser mi reina, mami, entonces escúchame. G. Rodriguez, G-Wack Music, vamos y gente. On se câline, on rigole comme des amis. Mais tu as tes humeurs, tu as fait tes affaires. Je t'ai laissé partir quand j'étais en colère. Mais imagine toi ma vie seule. Je te veux matin, midi, soir. Et là j'ai besoin de toi. T'es à moi, t'es à moi. No puedo hacerlo sin pena, sin miedo. Y nunca no vuelvo a decir que te quiero. Okay. amor. Para todas las mujeres del mundo, amor. Chi Rodríguez, siento amor. Siento amor. Arc-en-ciel. L'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant, ça fait déjà 10 minutes qu'il est là. Gilles Rodriguez dans les studios de la radio. Heureux de te retrouver. Salut, salut tout le monde. Alors, qui est Gilles Rodriguez? Explique-nous. Gilles Rodriguez, c'est ton vrai nom, Gilles? Officiellement, artistiquement, ouais. Artistiquement, mais est-ce artistiquement. Qu'on peut balancer ton vrai prénom à l'antenne? Allez, ou pas allez, un vrai kiff. C'est, ouais, mon vrai prénom, c'est Michael, ouais. Ah, Michael, ouais. Alors pourquoi G? G, c'est en fait, de base, c'est une galère. En fait, c'est drôle parce que sur Facebook, quand j'ai voulu, bon, j'avais arrêté la musique pendant une période, j'ai voulu repartir à zéro en recréant un nouveau nom artistique. Et en fait, sur Facebook, quand tu veux créer ton nom sur une page perso, ouais, tu peux pas juste mettre une lettre en prénom, ça, c'est vrai. Tu vois? Parce donc, qu'il te demande ton nom et ton prénom. C'est ça. Et si tu veux, il n'y a pas un mec sur Terre qui s'appelle A ou C ou D. Donc, quand j'ai voulu mettre G, il me l'a pas pris. Donc, du coup, j'ai rajouté un I à côté. Donc, de base, ça devait être G. Et G, en fait, c'est la première lettre du prénom de mon grand-père, Joao. Ah, Joao. Voilà. Joao, c'est ça. Du Portugal. C'est Joao. Bonjour. On salue tous nos amis portugais qui sont dans la voiture. Parce qu'il y a du monde qui nous écoute sur Orléans, je le sais. Bah hein. oui, je sais bien. Ouais. Ils sont nombreux, les Portugais, sur Orléans. Ouais, on les salue. Tu attends, moi, alors, passer en portugais. Parce que moi, je parle pas portugais, à part dire bon dia ou caray. Ouais, bah, et bon dia a todos. Enfin, boa tarde, du coup, parce qu'on est déjà l'après-midi. Ah, ouais, excuse-moi. Et un grand abraço para todos. Muito obrigado. Voilà, Gilles Rodriguez, qui est notre invité aujourd'hui, en exclusivité. En plus, il a fait la route et ça me fait vraiment plaisir. Un Chartres Orléans, c'est quoi? C'est une bonne heure, ça? Bon, ouais, une petite heure tranquille, ouais. Ouais, tranquille, ouais. Je pensais être en retard, mais au final, ça va. On va parler de ton début de carrière ou ta carrière, on peut dire. Alors, c'est quoi? C'est un début pour toi? Ouais, c'est un nouveau départ. C'est un début qui monte petit à petit. Hein. Ça va même assez vite et je perds un peu le fil des choses de temps à autre. Mais ça a commencé avec Marquito, hein, qu'on connaît bien. Hein, je sais pas si t'es voyant, mais j'ai un Marquito qui arrive. C'est Lusitano, tu connais Bien sûr, j'étais sur le tournage de son clip. J'ai participé au tournage et un super titre. Hein, donc j'ai commencé avec Marquito, avec la Nueva Historia. Hein, ça a été les débuts de Gilles Rodriguez. Ouais. Après, j'ai continué avec Steve Watt, qui est mon producteur aujourd'hui. Voilà, qui est DJ. Et voilà, qui est mon producteur aujourd'hui. On entend beaucoup de remix Steve Watt. Il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il est partout. Kenji, il a fait pas mal de choses. Il a fait plein de choses. Des bons remix en plus pour les DJ. Je le conseille à tous les DJ. Steve Watt fait des bons remix avec des belles intro, des belles autres. Franchement, il a un talent. Bah, c'est pour ça aussi que je travaille avec lui, c'est parce que je sais qu'il est très compétent dans ce qu'il fait, qu'il a une patte à lui en fait. Et c'est pour ça qu'on forme un bon duo au-delà aussi de la musique. Hein. On va parler de tes débuts. On va écouter d'abord, si tu veux bien, ton pote. Yeah, Marquito. Bah ouais. Toujours un kiff. Et puis on en parle juste derrière. Ça marche. À tout de suite sur l'air-pincel. São 7 horas, tô atrasado. Pra ganhar notas, tô desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora. Nunca é sacado, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer. A bebida que me faz tanto esquecer. A loucura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Já chegou a hora, vamos lá dançar. Hoje é festa, ninguém chora. Vamos namorar, eu só quero alegria, igualdade, fantasia. Quero força, energia, deixa andar a magia. Mais sabor, invejoso sem trabalho a demora. Nunca se acaba, chegou a hora. Já estou cansado, eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer. A altura do meu mundo que anda a viver. Gosto do fim de semana. Vou-te dizer quem eu sou. Um vitano cheio de amor. Orgulhoso eu vou. Um conquistador ser. Conseil Marquito Lusitano, on parlait justement de ce titre avec notre invité aujourd'hui, il est dans les studios, c'est Gio Rodriguez. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. J'aurais dû le dire en portugais, l'After Job c'est en anglais, après le boulot ça veut dire en portugais. Comment ça se dira en portugais après le boulot? Depois du travail. On parle de Marquito, ce titre au Lusitano. Ouais, franchement, ça veut dire quoi au Lusitano? Je sais pas moi. Bah c'est le Lusitano, ouais, c'est la communauté, ouais, voilà, d'accord. C'est ça. Mais c'est ce que je disais là, c'est un vrai kiff d'écouter ce titre à chaque fois. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu et franchement. J'aime bien. Je comprends pas pourquoi ça a pas plus décollé que ça, mais en tout cas, ouais, de bons résultats sur YouTube et fier de son travail. Franchement, on lui passe le bonjour à Marquito. En espérant qu'il revienne sur les devants de la scène, Petit Marquito. Tu viens, s'il nous écoute, parce que ça se trouve, il nous écoute peut-être. Appelle-nous, Marquito. 0238 43 40 dans son camion. 00, c'est dans le camion là. Bah oui, il bosse les Portugais. C'est des familles ici. Il y a plein de Portugais qui se battent dans les studios. C'est une communauté portugaise en fait. Ouais, c'est comme ça. C'est une grande famille. Alors, la suite après Marquito, qu'est-ce qui s'est passé alors qu'on a eu la Nova Estoria? Ouais, c'est ça. Et puis juste après, j'ai commencé à bosser avec Sidoite. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit est-ce que t'aurais pas une prod à me faire, voilà, et puis je lui ai donné un peu les directives par rapport à ce que je voulais, etc. Ouais. Il m'a fait une prod, j'ai écrit, j'ai été enregistré au studio urbain à Paris, donc grand studio parisien. Je lui ai envoyé la musique une fois fini, ce qui est normal, il a fait partie du projet, et puis gros kiff sur le titre. Il l'a envoyé à Tariq qui était le directeur du label à l'époque. Il savait qu'il y avait quelque chose à faire sur ce titre là, donc il a Tariq qui était le producteur de Makassi, Makassi qui est toujours son prod. Qui tourne toujours, ouais, tout à fait. Ouais, il bouge plutôt pas mal. Et puis, on a réussi à être mis en contact avec Makassi. Donc, on a travaillé ensemble, on a fait ce titre-là ensemble. On a tourné le clip. Et puis, on a eu de très bons résultats club. Donc, on a été classé dans le top 5 des clubs, des titres les plus joués en club. Ouais, les clubs 40. Exactement. C'est ça. Voilà. Et très, très bons résultats. Franchement, on est toujours en playlist sur Radio Arc-en-Ciel. Latina et puis sur de nombreux de nombreuses radios aussi françaises. C'est bien. Et c'est un vrai kiff, franchement c'est un vrai bonheur de savoir que ce titre a vraiment plu. C'est un vrai kiff, voilà. Tu kiffes? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en vivre? Faut être honnête. Ouais. De la musique, on en vit ou pas? On en vit mieux qu'il y a 3 ans. Certainement, bien sûr. On en vit un petit peu mieux qu'il y a 3 ans. Après, c'est une bataille, c'est une bataille non-stop. Il y en a beaucoup d'artistes sur le marché, surtout des nouveaux talents qui arrivent. Il faut se battre pour garder sa place et déjà aller chercher une place assez haut. C'est pas évident. Ouais. Et on essaye de se battre. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai un pressentiment. En ce moment, la tendance, elle est vachement reggaeton, elle est vachement soleil, latina. Même sur les radios, on l'entend. Que ce soit les grosses radios, mais c'est un truc de fou. Même on des est radios comme Sky par exemple, du truc comme ça. J'ai écouté Sky, une radio que j'écoutais avant, que j'avais pas écouté depuis un moment, là ce week-end en allant sur Paris, et j'entends Daddy Yankee, je fais ah bon, ils se mettent à faire du latino, c'est vraiment la tendance. Ça fait quand même quelques années, ça perdure le latino. Il y a eu des tendances, par exemple, la technonique, je sais pas quoi. Il y a des trucs comme ça, ça fait un an ou deux ans, t'as des trucs comme ça qui sont passés de mode. on n'entend plus parler. Ouais, bien sûr. Mais le latino, je crois que bah, les filles, elles adorent. Hein, bah, les filles adorent ça, c'est clair. On voit bien en club comment ça se passe. Et je vois, moi, je travaille en club. Dès que tu joues du latino, la piste, ça part direct. Elle se blinde. Ça part direct. Tu joues des trucs à l'ancienne, bon, ça marche, machin, mais c'est pas ça. Dès que tu joues un truc un peu latino, tac, ça part vite. Ça te blinde. C'est ce que disait ton confrère Mario de Radio Latina. Salut mon Mario, il nous a regardé, j'ai vu sur internet là. Salut mon. J'ai pas l'accent de Roberto, désolé, mais tu le fais très bien. Mais c'est vrai que Mario disait que là la tendance reggaeton était en train de monter de plus en plus haut et qu'on avait atteint des sommets au niveau titre qui étaient impressionnants. Le Daddy Yankee indémodable, des titres qui cartonnent mais qui sont de plus en plus forts. Les nouveaux Maluma, Anuel, ouais, tout ça avec ces titres. Enfin, c'est juste des mecs comme Nicky Jam par exemple. Bah, je voulais pas le citer parce qu'après on va dire que je le kiffe trop. Non, je dis Nicky Jam. Nicky Jam. Comment on dit Daddy Yankee. Snake, mais Snake qui est beaucoup dans le latino aussi, ouais, hein. Maluma, les plus grands, hein. Mais c'est vrai que là on est dans une phase où le latino prend le dessus sur un petit peu tout, hein, mais franchement c'est un vrai kiff pour les oreilles, un vrai kiff qui cartonne en ce moment. Et puis on va écouter dans quelques minutes ton nouveau hit avec Makassi, Lilou. Yes, c'est ça. Elle est pas mal, Lilou, hein, faut dire. Elle est gentille. Elle est pas mal aussi. J'ai pas envie de me faire engueuler, moi. Non, ouais, c'est vrai que t'es venu avec ton ami, j'avais oublié, pour la salut Anaël, hein, c'est ça. C'est ça, absolument. Tu veux dire un petit mot, Anaël? Non, c'est bon, on est timide. Ouais, c'est pas grave, on la force pas, on voulait la saluer, hein, un petit coucou. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui sur Orléans. C'est moi qui te remercie. 96.2 FM, vous êtes nombreux à nous écouter, nos radios du Portugal, à tendance portugaise, mais beaucoup de Français, de tout le monde nous écoute en fait. Multiculturel, multinationalité. Voilà, éclectique. C'est ça. T'as vu avant moi, il y avait un vieux, hein. Tu l'as vu l'ancien. Hein. Il est juste à côté. 40 ans, 45 ans de radio, Michel. Énorme, 45 ans de radio. Ouais, lui, mais par contre, il a sa petite émission. Vous voyez, il est pépère. C'est bien. Il kiffe les maisons de retraite. Il fait bouger les maisons de retraite. Ah, mais c'est vrai, je suis sérieux. Mais il a raison, c'est ce qu'il faut. Il en faut pour les tout le monde. Les mamies dans les maisons de retraite, ils peuvent danser sur Tino Rossi, sur tout ça, à l'ancienne. Mais il en faut toujours. Il en faut parce qu'il cartonne dans la maison de retraite. Je trouve que c'est le numéro 1 en France, le mec. Numéro 1 des maisons de retraite. Il faudrait créer le classement, mine de rien. Je sais pas qui est numéro 1 dans les maisons de retraite. Yannick Chevalier, des mecs comme ça, je sais pas. En tout cas, je le salue, mon ami Michel qui fait une belle émission depuis des fois. Et je crois qu'il arrive avant moi à la radio, lui. Hein. Il a fait de la radio avant moi. Hein. Donc, ça fait quelques années que t'es là aussi, mon tranquille. Ouais, quelques années. Quatrième année pour moi. Ouais. Avant, j'étais sur d'autres radios. Mais je suis bien ici chez les amis portugais. Ça me fait plaisir. On est bien chez les portugais. Toujours. Gilles Rodriguez, on va continuer à parler de ta carrière qui démarre. Je suis content pour toi d'ailleurs. Et puis, vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel à Orléans. Loque Paso, justement, on parlait de Daddy Yankee. Il arrive. Yeah. Un petit remix. Voici Daddy Yankee. La pero ya me enteré que te debes a alguien, yeah. Y tú fallaste, pero está bien. Y tú fallaste, pero está bien. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. il est incontournable celui-là, le Kepasso. Indémodable. Et celui-là, dès que je le. Même moi, perso, de DJ le joue en boîte, les gens ils le kiffent toujours. Hein. Ouais, mais tu l'as passé, tu l'as balancé. J'ai regardé à l'aise, je fais regarde mes bras, j'ai des frissons. Ah. Ça va si c'est que les bras. Non, c'est que les bras. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on se marre bien sur Radio Arc-en-Ciel, hein? Tu m'as surpris, je m'y attendais pas celle-là. Tu glisses. Ouais, ça glisse. Francky Vincent, qu'on salue au passage. Salut Francky. On parlait de Steve Watt, justement. Ouais, le grand Steve Watt. Ouais, un grand monsieur. Tiens, je l'ai demandé à un ami hier. Je lui dis, tiens, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur Steve Watt. Hein. Ouais, vraiment. Il est quoi? Il est DJ à la base? Il est producteur? Bah, de base, il est DJ et puis il a une grande carrière aussi international il y a quelques années de ça. Je poursuivrai pas sur ce truc là parce que il y a des trucs à pas savoir qui sont personnels. Ouais, non, il a une grande carrière, c'est un grand monsieur, il a sa patte, on a créé un lien d'amitié qui est très très fort. Donc voilà, mais au-delà de ça, c'est un gars qui en couple. Non. Bah, t'imagines, toi, je me ferais engueuler. Ouais, en plus c'est ta copine. Non, ouais, bah, je vais tout foutre en l'air aujourd'hui. elle va partir. C'est un grand monsieur, il a vraiment sa patte, il travaille avec beaucoup de monde, il travaille avec le collectif Métissé. Ouais, c'est la famille ça. J'ai démarré avec eux en tant que DJ, moi justement, on a démarré avec le collectif sur Mareba, Claude, que je salue. Saint-Ange, alors c'est l'histoire de Saint-Ange, je suis invité un petit bref, habitait à Orléans, à Chingy, c'était un super pote à moi, et puis il a écrit pour Kid V, il a écrit J'aimerais trop, puis les mots, et puis Saint-Ange, il m'a donné ma chance, donc j'ai commencé avec le collectif Métissé, et après, il est parti sur Bordeaux, parce qu'ils étaient sur Bordeaux. J'ai pas pu suivre parce que j'avais beaucoup de choses à faire ici à Orléans. Mm-hmm. Mais je les salue au passage, le collectif, Yannick, tout ça. Bah, je leur fais un coucou et puis je les vois jeudi prochain, ils sont à l'Olympia. Ouais, j'étais invité avec Steve, m'a invité à aller là-bas pour les voir. Ouais, c'est leur 10e année. Je pourrais pas malheureusement parce que moi j'ai une affaire aujourd'hui et puis c'est compliqué de se libérer. Bah ouais, je me donne. Mais bon, j'espère te voir bientôt chez moi en tous les cas. Bah, c'est avec un grand plaisir, c'est quand tu veux, Francky. On va se préparer ça, on va préparer une belle soirée caliente avec toi en VIP, on va dire. C'est cool, en plus, je te remercie. Il reste au Portugal, on va pouvoir manger des. Eh ben moi je te suis. C'est quand tu veux. Donc on a parlé de Steve Watt, grand monsieur, grand DJ, arrangeur, producteur. Il a bossé pour beaucoup de gens qu'on salue au passage, Steve Watt. Je voulais parler de toi, justement des duos. Si aujourd'hui tu avais quelqu'un à choisir, bon, je sais qui est ton fan, mais en local, dans le collectif Latino, il y a pas mal d'artistes. Alors, dans le collectif Latina, j'ai rencontré Nelkita ce week-end, hein, qui artistiquement envoie bien. Ouais. Et ça peut être franchement, ça pourrait être un bon truc en feat avec une voix féminine, comme ça serait top. Ouais. Après, c'est sûr, quelqu'un qui reste. Un grand pour moi, ça reste Lucendo, hein. Si on reste vraiment dans le cercle latino, Lucendo, il y en a plein, les artistes latina maintenant j'en côtoie pas mal. Il y a Santi aussi qui fait de l'excellente musique, Juanmi, je peux pas tous les citer. Sinon vraiment celui que vraiment je kiffe vraiment en ce moment, c'est ça reste Tidiaz, c'est un artiste latina sympa, qui on va l'écouter, Tidiaz. J'ai regardé sa story tout à l'heure, Insta, il a balancé un petit extrait de son prochain là, je pense que ça annonce du lourd. Et non, franchement, il est pas mal aussi, un feat avec Tidiaz, ce serait vraiment un vrai kiff. Ouais. J'ai l'impression que tu parlais de Lucenzo. Alors Lucenzo, on est des amis, hein. Philippe, je le salue au passage, il est venu plein de fois à Orléans, notamment ici sur Arc-en-Ciel. Il est venu dans des discothèques où je travaillais plein de fois aussi. Je salue aussi son manager Alex Barrera. Mais il n'arrive pas à trouver la bonne personne pour faire des duos. Là, il a fait un duo il n'y a pas longtemps là, avec le rappeur français là, je sais plus comment il s'appelle, bref. Ça a pas marché. Après, c'est difficile quand t'as fait un feat. Et là, il revient avec 25 coups d'euro 2020. Voilà, il y a la version, mais c'est compliqué d'arriver à vraiment, quand t'as tapé un mec comme Don Omar avec Dansa Kuduro avec Don Omar, la barre est quand même très très très très haute, et pour arriver à revenir il est dans le game, hein, mais pour arriver à remettre quelque chose qui est à hauteur de ce titre là, c'est très très très compliqué. Et c'est tout à son honneur de ce qu'il a fait, c'est un travail monstre. Maintenant, c'est vrai que peut-être, moi s'il veut, hein, s'il m'entend, Lucendo, c'est quand tu veux, je suis ton homme. Philippe, je suis avec Philippe, Alexandre Barrera, voilà, son manager, on le salue au passage chez nous, parce qu'il nous écoute beaucoup, lui, hein, je sais qu'il nous écoute. Et bien justement, ça a été les débuts de Lucenzo, ça a émigré. C'était un des premiers titres, j'écoutais ça à l'époque sur Latina, franchement, c'est toujours un vrai kiff d'écouter ces titres-là. Et Lucenzo. C'est Lucenzo, émigrante del mundo, quotidien du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine, émigrante del mundo, amigo, retiens le message, parce que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines, émigrante del mundo, latino-américano, cubano, también Colombia, Venezuela, émigrante del mundo. Vincenzo représente. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Moi j'ai compris ce qu'il me faut, c'est migranté. Défends tes origines avec une marque de qualité. Vincenzo aime ses bilingues comme des millions. Balance des phrases et mon phrasé te touche dans le million. On est tous d'accord, mon frère, voilà une bombe de marque. Une occasion de représenter, donc Vincenzo débarque. Affirme-toi où que tu sois, n'oublie pas tes racines. Latino forever, fier de ses origines. Emigrante del mundo, tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo, amigo, retiens le message. Parce que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo, latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Vincenzo représente. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, Lusi Lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien de ma part. Maizou me fait, je viens représenter. Pour les latinos, pour la marque Emigrante. Emigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Parce que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo. Vincenzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Parce que dans chaque pays, chaque ville, n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latino-americano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo. Vincenzo representa. Pour toi, moi j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Wow. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Retiens el mensaje. C'est Vincenzo. Pour immigrantes. Yeah, c'est ce qu'on disait avec G. Rodriguez. Non, il y a combien de temps ce titre hein? Je sais pas, il a au moins plus de 10 ans. J'écoutais ça quand j'étais dans le bâtiment sur Paris. Ah ouais, carrément. Ouais, je te jure, j'étais sur Paris. J'allais travailler sur Paris. J'écoutais ce titre-là dans le camion. Ouais. Alors, on dit que t'es dans le bâtiment parce que tu bosses aussi à côté, c'est ça? Ouais, j'ai un petit boulot à côté. Pour continuer à voir. Moi aussi, hein, je me cache pas. Moi, ça occupe. Boulot aussi, hein, parce que. On n'est pas payé cher sur Arc-en-Ciel. Hein. Non, il faut toujours garder un petit boulot à côté pour avancer et puis avoir une vie normale aussi. Bah c'est ça, faut vivre. Hein, voilà. Je salue aussi Benoît Billard qui est dans les studios. Alors lui c'est un fan de radio aussi, il collectionne tous les autocollants, les affiches radio, mais depuis des siècles et des siècles. Hein. Je le salue parce que de temps en temps il vient me voir et ça me fait vraiment plaisir de le recevoir. Et puis Anaël aussi qui est dans les studios. Et puis on m'a dit Antoine qui vient aussi. Du monde aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ouais, c'est bien. En tout cas, heureux de te retrouver. C'est moi, ça me fait plaisir. Comment s'est passée la rencontre avec Lilou, justement? Pourquoi Lilou? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Comment s'est passée la rencontre avec Lilou? Non, c'est pas pour ça que. ça s'est bien passé. C'est pas mal de péripéties pendant le tournage du clip, mais ça s'est très très bien passé. Et voilà, le tournage en lui-même, c'était top. Le décor, bah, forcément, on était en Corse, à Ajaccio. À la Corse. C'était un truc de fou. La villa qui apparaît dans le clip, enfin c'est juste un truc de fou. La météo était au rendez-vous. Bon, il y a un peu de vent, c'était encore un petit peu au début du printemps, donc c'était un peu frisqué. Mais non, la rencontre au top, c'était parfait. Franchement, on a bien sympathisé, un bon feeling, un bon truc. Non, il y a rien à dire là-dessus. Toujours avec son père, Lilou. Toujours accompagné son père. Papa. Il traite toujours avec elle. Hein. C'est son manager, booker, agent artistique, qui fait tout, il est multitâche. Ouais, Robert, il est sympa, il est gentil. On avait passé une belle soirée à côté du Cap d'Agde ensemble avec Lilou et puis Robert. Ils sont de Marseille. Ouais, ils sont de Marseille, ils sont super sympas. Mario, on lui pardonne que c'est marseillaise. Et ouais, on écoute ton nouveau single qui s'appelle comment? Entre tu y yo. Voilà, avec la superbe Lilou puis Makassi. C'est ça. Voilà, on l'écoute en exclu. Bon, on exclut déjà depuis un moment sur Roller Conciel. Voici G. Rodriguez, Lilou et Makassi. Siempre serás la mujer de mi vida, mi música preferida. Y cuando cae la noche eres la más brillante de todas las estrellas. Si tú tienes un alma, por favor no te vayas. Mi amor, te cuento una historia. Mi corazón te diga, oh, oh, oh. Que te quiero mi amor. Soy lo que tú eres. Recuerdo ese día de verano. Eras como una mariposa en el vivir a tu lado, cada segundo entre sus brazos. Si un día tú me quieres, te daré todo lo mejor. Poco tiempo para probarte, una vida para amarte. Mi corazón te diga, entre toi et moi, c'est, je traduis bien ou pas? Ouais, nickel, c'est ouais. Ça, c'est exactement ça, ouais. Voilà, entre toi et moi, entre nous, aujourd'hui sur Radio Arc-en-Ciel, 16h53, il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Je vais essayer de la faire là, Roberto, du Rodriguez, oh là la famille. Non, je pourrais jamais imiter Roberto de Radio Latina. Je le salue avec Mario de Supermec. Macassi est dans le titre. Supermec aussi. Macassi, ouais, franchement, lui, Macassi, si t'avais des choses à dire, bien ou pas sur Macassi. Franchement, ouais, c'est un mec. C'est un mec. En, non, Macassi, c'est un mec ouais, en or. Franchement, ouais. Il est top. Quand t'as un souci ou même musicalement, ouais. T'as besoin d'un conseil, un truc, tu l'appelles, il est là. Enfin, c'est pour ça qu'on bosse beaucoup avec lui aussi. Hein. D'ailleurs, petit aparté, le prochain titre ouais. arrive très bientôt. Ah. Il sera dessus aussi. Ouais. Mais voilà, non, franchement, c'est un super mec. Moi, j'ai rien à dire sur lui. C'est top. Même pendant les tournages, il est là. Tiens, tu devrais faire ça. Essaye d'être comme ça. Pour les titres, si je peux te donner des conseils, bah, tu me dis, tu fais ça comme ça, machin. Ouais. Et non, franchement, y a rien à dire. Bah, justement, des conseils, oui. Alors, les titres arrivent, les clips arrivent. Il y a des showcases, des concerts, des lives en ce moment. Tu tournes? Ouais, ouais, bah, j'ai fait le MK Club, là, ce ouais, week-end. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire, d'arriver à faire beaucoup de dates. Avec deux titres, donc là, moi, il y en a un troisième qui arrive. On fait qu'un titre, des fois. Hein. Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont fait qu'un titre, mais après, je fais des reprises. Donc, je fais des reprises que tout le monde connaît. Hein. Tout le monde chante, tout le monde danse dessus en ce moment en boîte. Après, donc, les showcases, faut expliquer. Les showcases, ça dure pas 3 heures. Hein. Showcase, des fois, c'est 20-30 minutes au maximum. Hein. Donc, mais moi, après, je fais beaucoup participer le public. C'est vrai que je vois beaucoup d'artistes où ils viennent, ils sont sur scène, ils font leur truc, ils partent. Mmh. Mais non, moi, j'aime bien avoir un contact avec le public, voilà, faire participer, jouer un peu avec les gens, tout ça. Non, c'est vraiment le top du top. Mais ouais, Entre to You qui a été numéro 1 des clubs, là, il y a encore quelques semaines. On était sur le Extra Club. Ouais, je suis un petit peu. Je reçois les infos aussi à la radio. Top, franchement, c'était un vrai kiff, quoi. Ouais. J'ai mon booker, promoteur Christophe Chantoiseau qui m'a envoyé le résultat. J'étais chez moi et puis il me fait tiens, je te laisse voir le résultat et puis tu me rappelles après. Puis là, je regarde, je vois bim, numéro 1 des clubs. J'ai putain, truc de fou. Excusez-moi pour le gros mot. Non, c'est bien, tu peux me donner les gros mots chez nous. Mais j'étais super ravi. Titre numéro 1 des clubs en France, pour moi, c'est juste un truc de fou. Justement, ça fait quoi quand on voit J. Rodriguez en haut du tableau? Chez toi, tu le prends comment avec ta famille? Parce que je sais que les Portugais sont assez familiers. C'est surprenant parce que tu te dis que t'es devant tous les artistes actuels en France, Aya Nakamura, les Niska, les trucs qui tournent en club, et là tu te dis t'es numéro 1 devant tous ces artistes-là qui remplissent des clubs tous les week-ends, et tu te dis c'est un vrai kiff. Après, il y a un gros travail aussi en promotion de mon promoteur Christophe Chantoiseau, que j'embrasse d'ailleurs. Il bosse comme un acharné pour nous emmener là où on est aujourd'hui. C'est d'ailleurs lui qui m'a découvert avec la Nova Historia. C'est lui qui m'a un peu fait mon tout début de carrière. C'est grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui, et je lui fais un gros bisou rien que pour ça. Alors, il y a le studio et la scène. Alors, ça se passe comment quand on arrive sur scène, quand on n'est pas trop habitué, entre guillemets, parce que bon, quand t'es pas vraiment dans le move habitué, ça se passe comment avec le public? Est-ce que c'est dur de chauffer un public de club aujourd'hui? C'est difficile. Parce que tout le monde connaît pas forcément ton titre, et d'arriver comme ça, les gens, est-ce qu'ils te regardent un peu bizarre ou ils disent ouais, c'est pas mal? Alors c'est vrai que les gens, quand ils connaissent pas ton titre, c'est pas évident. Quand t'es un mec, bon, on va dire encore, on parle de Lucenzo. Il a le truc, c'est euphorique. Moi, j'ai fait deux titres où, bon, quand t'as des titres qui sont pas forcément diffusés sur chez tes confrères, par exemple, Énergie FM Radio, on a forcément moins de visibilité, mais voilà, c'est toujours un vrai vrai kiff. Les deux titres que je joue, les gens respectent, ils dansent, ils sont là, ils sont dans le truc. Ouais. Après, forcément, je fais des reprises qu'ils connaissent, donc c'est tout de suite l'euphorie aussi. Ouais. Mais au début, les premiers showcase, ça a été assez stressant quand même. On arrive devant des scènes où les gens te regardent. Ouais, ils sont là. Ouais, et puis on est tout debout, on est debout devant tout le monde comme ça. Les premières scènes, c'est impressionnant. Et là, j'ai fait en début d'année le Festi Night à Bordeaux là avec Claude Somariba. Voilà. Et c'est vrai que c'est un des plus gros clubs de France. J'ai fait, il y a 10 ans presque. C'est la folie. Ouais. Je suis arrivé sur scène, j'ai vu le monde qu'il y avait. Je fais, je vais faire ça. Et puis effectivement, ouais. Et plus j'avance dans les shows, et plus c'est un régal, et moins je stresse. Ouais. On transforme le stress en adrénaline. Et je suis souvent en train de dire, putain, je suis en manque de scène, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y retourner. J'ai peur, je vais d'ailleurs en manque d'autre chose. Non. Ce côté-là, ça va. Franchement, c'est être sur scène, c'est un vrai kiff. C'est de voir les gens comme ça applaudir, crier, sauter. Enfin, c'est un truc de fou. Et là, ce week-end, j'ai vraiment kiffé. Hein. Je le répète encore, mais franchement, vous m'avez fait kiffer. C'était top du top. Ça se passe bien le duo avec Makassi sur scène. Vous arrivez à vous relayer, à vous comprendre. Alors les gestes. On se complète tous les deux. Bah moi, c'est moi qui suis Makassi parce que c'est vrai que là j'ai fait une. On a vu sur la vidéo qui traîne sur les réseaux. On a fait à Valenciennes le 14 juillet avec Makassi. Donc il était en concert et il m'a invité à faire nos deux titres là-bas. Mmh. Et sur scène, bon, c'est vrai que j'étais impressionné. Je dis, je suis sur scène avec Makassi. Je sais pas trop où me mettre. C'est lui la tête d'affiche. Et puis non, même pas. Tu vois, c'est lui. Le titre a commencé et il a vu que j'étais fixe, j'étais un peu figé. Il est venu, il m'a pris sur le côté, il m'a accompagné sur scène et tout. Et après, c'est parti tout seul. J'ai compris le truc. Mais c'est devenu un très bon ami. Et honnêtement, il accompagne vraiment bien. Il sait être là pour les gens. Et c'est vrai qu'il met beaucoup sur scène. Hein, vraiment. Et c'est un vrai bonheur d'être sur scène avec lui. C'est pour ça que les showcases commencent assez tard. Au moins, les gens, ils ont picolé un peu, ils sont chauds aussi. Hein. Les gens arrivent plus tard. Puis en mode, ils arrivent tard maintenant, les gens. La plupart du temps, c'est 2h30 dans ces heures-là. Mais ce week-end c'était bien arrosé quand même. Après ça dépend. Hein. Des fois ça dépend qui est sur scène, qui vient. Et des fois ils arrivent de bonne heure pour se dire je vais de bonne place. Quand c'est grosses têtes d'affiche, les grosses têtes d'affiche effectivement ils arrivent de bonne heure. Mais non, c'est vraiment un régal d'être sur scène, que ce soit showcase, les 14 juillet, les trucs comme. Franchement c'est que du bonheur. Un duo avec Tidiaz, ça te plairait comme tu me disais. Franchement. Et puis on s'est déjà eu plusieurs fois par message. Hein. Il bosse beaucoup en solo. C'est vrai qu'il n'est pas trop fit. Mais si un jour il me le propose, bien sûr que je dirais oui, bien entendu. On va se l'écouter, Tidiaz. Allez, c'est parti. Avec Valet, c'est son nouveau hit, je crois. Il cartonne. Cartonne, hein. C'est une tuerie ce titre. Allez, Tidiaz sur Radio Arc-en-Ciel. Une cure de vitamine, faut que je me barre là. Tu pourras m'appeler, mais je ne serai pas là. Toi, la migraine, t'es avec moi. Oh, ça dit quoi? Je sillonnerai les ruelles en Espagne, cigarillo de Escobar. Lunettes au nez, je rallume la hookah. Mi verano, je passe au Balear. À cette heure-ci, qu'est-ce que je fais là? Olé, olé, olé. De toute façon, j'ai déjà les billets. Valais. L'invité du jour, c'est maintenant. Voilà, G. Rodriguez. Hola la familia. Ah, j'adore. j'adore. Ça me fait penser à mon pote. Je le salue encore. Je le dis, Roberto. De toute façon, c'est la famille. Hein. C'est une grosse radio, nous. Hein. On est quasiment associés, même. Hein. Entre latinos, ça se fait bien. Ouais, entre latinos, on communique bien. Heureux de te recevoir. Tu es venu ici il y a combien de temps déjà? Il y a un an déjà, je pense. Ah ouais, ça s'était eu au téléphone pour la sortie d'Entretuyo. Ouais, exact, ouais. Mais j'étais pas revenu depuis. Et comme d'habitude, un vrai régal de venir ici. Mmh. Un vrai kiff. Alors depuis quand tu as commencé, quand tout petit la musique? Parce que souvent les gens ils me disaient, moi j'ai commencé dans la salle de bain, moi j'ai commencé à chanter dans ma chambre. Non, moi dans mes chiottes. Ah ouais, c'est bien dans les chiottes aussi, moi ça m'arrive. Par contre moi j'ai jamais su chanter. Hein. Non, ouais. J'ai commencé réellement il y a 10 ans sous un autre pseudonyme que je ne dirai pas pour éviter de retrouver des vieilles casseroles. C'est dommage, sur les réseaux. Internet, là. Non, je tairai mon ancien, et j'arrive pas à les virer ces vidéos, c'est incroyable. Je les virer pour toi. J'ai commencé il y a 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec... pendant une période avec Papa London. Ah, Papa London, ouais. On entend plus parler de lui, Papa London. Il fait pas mal de trucs, mais on est plus sur de la dancehall maintenant. C'est pour ça que dans le côté latino, on le voit plus trop. Mais après, j'ai eu une grosse chute musicale il y a à peu près 5 ans de ça, et j'ai décidé de repartir à zéro avec G. Rodriguez. Et là, nous voici aujourd'hui. G. Rodriguez, quel beau nom. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Non, mais ça passe sur scène. Ouais, bah ouais, franchement, ça passe, ouais. Et puis moi, je voulais garder ce petit clin d'œil à mes grands-parents. Hein. Ce G, comme je disais tout à l'heure, c'est le prénom de mon grand-père, Joao, donc Joao en français. Et Rodriguez, c'est le nom de famille de ma grand-mère. Ah, d'accord, on l'a salué au passage. Je leur fais des gros bisous. Voilà, plein de gros bisous. L'avenir, c'est quoi, G. Rodriguez? L'avenir. Il y a des trucs qui se préparent, on va peut-être pas tout dire, tu pourras pas tout dire. Ouais, comme tu disais, j'ai deux titres qui arrivent là avant la fin de l'année. Alors ça va sonner quoi? Reggaeton? Ça va sonner quoi? Le prochain va faire mal. C'est un peu du style un peu Taki Taki, DJ Snake. Ah, c'est bien ça. Ouais. On est parti sur une tendance un peu moins lover, un peu plus sexe. Autant dire les choses franchement. Taki Taki. Et un petit piano voix pour terminer l'année tranquillement. C'est pour les 10 ans en fait du décès de mon grand-père. Voilà. D'accord. Okay. Sans vouloir casser le moral à tout le monde. Mais non, c'est un petit piano voix franchement avec Steve Watt toujours. Ouais. Et Caroline Taverne, qui est en ce moment la pianiste de Florent Pagny, qui vient de sortir son dernier album également. Tu parles de Florent Pagny, j'ai des bons souvenirs radio avec Florent Pagny, un super mec. Ouais. Il est tout petit. Alors ce qui est rigolo, c'est que Florent Pagny, quand je l'ai fait à la radio, il est tout petit. Il est aussi grand que moi. Maintenant, il met des talonnettes. Maintenant, il fait 1m80. Il est plus grand. Mais après, pour l'avenir, non, voilà, j'ai deux titres qui arrivent. Le planning est fait jusqu'à novembre l'année prochaine. Enfin, on a le temps là. On a le temps, ouais. On a une reprise prévue pour le mois de février. Normalement, un tour du côté de Los Angeles courant mois de mars pour enregistrer un titre. Logiquement, c'est prévu comme ça. Et après, un gros son pour l'été prochain. Voilà, il faut qu'on mette le paquet. C'est vrai que le son de l'été, il se prépare combien de temps avant? Moi, 6 mois avant, là. Il faut commencer en début d'année. Il faut limite commencer là maintenant, en fait. Maintenant, voilà, ouais. Faut tout préparer maintenant. C'est pour ça qu'on est en avance. Là, on a deux titres qui sont prêts à sortir. Ouais. On travaille sur déjà 2020. 2020, on se rapproche même de 2021 quand même. Ah ouais, on se rapproche. Tu me disais Nicky Jam. Je sais pas ce qu'on dit Yam. Nicky Jam. Bah, après, ça dépend. Il y a Yam, les Espagnols, ils disent Yam. Ouais, ils disent Yam, mais c'est vrai qu'en francisé, c'est plus Jam. Voilà. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce mec-là. Et j'ai pas de mots pour le décrire. Il est partout. Il est en featuring avec tout le monde. C'est ce que je disais sur Radio Latina. Moi, je m'inspire beaucoup de lui. Ouais. Il a une sincérité dans sa musique, une authenticité surtout artistique. Ouais. Et voilà, je pense que c'est un bon exemple à suivre. Et bon, on s'écoute. Celui-là, j'adore. C'est Anne Mikama. Ben, c'est un de mes préférés aussi. Bah, c'est mon préféré. Et ben voilà. Nicky Jam sur la Grand Ciel. Su calma.

finaliza. Chef du colline, fini bam bam. Pas se lève, content tam tam. Mette la paille à sa vaca. Sa la la, la vina blabla. Goûte goûte, les bouts danser. Dans tout côté, les bouts tourner. Mette les go devant, se les go derrière. Les tourner, les tourner. Il met son corps devant, il met son corps derrière. Les tourner, les tourner. Mette les go devant, se les go derrière. Les tourner, les tourner. Il met son corps devant, il met son corps derrière. Les tourner, les tourner. Les souvenirs, ça, les tournées, l'aile de la Réunion avec DJ Assad à la Harmonium, Willy William. La météo. La météo. La météo pour demain, bah, le soleil ne sera pas là, des nuages encore et de la pluie malheureusement. Les températures 10 degrés jusqu'à 14 degrés, mais le ciel reste nuageux et pluvieux. La mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est notre invité aujourd'hui, c'est Gio Rodriguez qu'on accueille dans moins de 3 minutes. Voici Don Omar, entre tout, hey yo. Que tú me ese vuelo, que como siempre eres tú se va a poner bueno. Pause, ça fait du bien, hein. Ouais. On traîne dans les couloirs, il y a l'électricien qui se balade sur le toit. Il y a du monde dans les studios. Je sais pas ce qu'il bidouille, l'électricien, depuis tout à l'heure. Il repasse les câbles. Ah, il m'a dit. Votre futur studio tout neuf. Il m'a dit, fais gaffe, je vais te couper la radio. Il est là, l'invité, c'est Didier Rodriguez. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Sacré Emilio, hein. Il pouvait pas s'appeler Jean-Pierre. Bah non, il est portugais, Jean-Pierre. Bah, il y en a très. Jean Pedro. Jean-Pierre Emilio, c'est ça que c'est bon. Une question, qu'est-ce que tu privilégies plus? La musique? La famille? Ah. Waouh, la question. C'est dur la ou pas vache. Ouais, c'est raide ouais. à répondre. Ou la copine. Bah, elle fait partie de la famille. Ouais. Ah, non, mais du coup, on peut se marrer un peu, la famille, la copine. Ouais. J'essaye de faire les deux. Tant bien que mal. Ouais, c'est pas évident parce que quand tu vois, gérer tes réseaux. Bah, c'est vrai qu'il y en a, il y a des grands artistes, eux, ils ont déjà du monde pour gérer les réseaux, etc. Ouais. Bah, et je m'occupe de ma com, faut que je m'occupe de mes réseaux, faut que je me, ouais, c'est du boulot. Et puis, bah, des fois, elle est à côté et puis, bah. Elle gueule. Non, elle gueule pas, mais bon, c'est des fois, le temps est un peu long pour elle quand même, la pauvre. Ça doit être long et ça va, elle arrive à temporiser tout ça. Ouais, parce je pense que des fois on passe tellement de temps dans le job et puis on a envie que ça marche aussi. Et pour que ça marche, bah, il faut faire du boulot. Ouais, quoi. C'est clair. Non, et puis elle est vraiment pas, elle est pas chiante. Ouais, c'est vrai que dès que j'ai un truc à faire. Donne-moi l'adresse. Ouais, non, mais dès que j'ai un truc à faire, bah vas-y, fais. Je suis parti en tournage deux fois presque 15 jours. Ouais. Et non, voilà, c'est très bien que c'est mon métier, que c'est mon kiff, que c'est ma passion et que bah, quoi qu'il arrive, rien ne pourra me mettre entre moi et la musique. Voilà, oh, c'est beau ce que tu dis, dis donc. Là, je suis un poète, un truc. Ouais. Est-ce que tu crois que dans les années à venir, enfin, je dis 2, 3, 4 ans, peut-être 5 ans avant, tu pourras vraiment vivre que de ça et. Purée, j'espère. Ça serait franchement, bien. Franchement, ouais, tous les matins, je me lève pour ça. Hein, pour me dire que, voilà, si ça se trouve, bientôt, je pourrais vivre que de ça. Et j'aimerais vraiment. Ouais, franchement, je voudrais vraiment vivre que de ça et. Bah, comme beaucoup, hein. Mais pour ça, faut se battre. On n'a rien sans rien, comme disait Marquito, c'est ce qui m'a appris. Hein. On n'a rien sans rien, faut travailler. Et c'est ce que j'essaye de faire, tant bien que mal. C'est dur la com, hein. C'est dur. Ouais, c'est beaucoup de gestion, c'est du temps passé, faut rester en contact en permanence avec les gens, c'est important, mais c'est un vrai kiff. Bah, voir le retour des gens dès qu'on fait un truc à la con sur les réseaux, un truc drôle, les gens te répondent, te commentent, te font des trucs. Ouais. Les gens suivent, et c'est important, je pense qu'il faut être proche de son public. Nous, on te suit, et puis j'ai envie d'écouter ton premier single, on va dire. Ouais, ça fait un bail, je l'ai pas entendu. Mais je l'aime bien. On l'a écouté tout à l'heure à 16h en ouverture. J'étais pas encore là. Et bah, là, tu l'écoutes, voici la nouvelle histoire. Je vais l'écouter. C'est Steve Watt. Ouais, c'est avec Steve Watt, c'est le remix. Exact. Dime, querida mía, solo tú y yo, en Francia y para toda la América Latina. Cuando llegas a mi lado, dime qué tengo que hacer. Siento los latidos de tu corazón y la suavidad de tu piel. Quiero tu cuerpo que me bebe loco y no me puedo controlar. Estoy esperando de todo tu amor. Solo tienes que escuchar en la camita encender un fuego y quemar en tus ojos. Tener placer hasta tocar el cielo. Nadie se da tanta como yo. Imán en tu pelo, besa tu boquita, con la belleza de tu cara. Quiero sentirte sin controlarme, no solo mirarte hasta de tu manita. Mi favorita, si no me quieres, dímelo. Sin ti no puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa, eres mía. Mi amor, es el momento de decirte que ya no puedo. Mira las ondas de tu cuerpo, te necesito en todos momentos. Morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Baby girl, you know me tired of the running. I wanna be me not to be the running. It's so funny, it's true, it's true. Puedo vivir, tú me matas. Sabes lo que el amor significa. Eres mía. Mi amor, es el momento de decirte que ya no puedo. Mirar las ondas de tu cuerpo. Te necesito en todos momentos. Morenita, morenita, cuando te veo siento tu deseo. Toda la noche acariciando tu cuerpo. Cuando te veo siento tu deseo. dire, il est significatif ce titre parce que la nouvelle histoire, la nouvelle histoire, c'est ça. Ce ouais, c'est ça. Ouais, c'était le tout premier titre, voilà, qui réécrivait un peu le début d'une nouvelle aventure. Et ouais, ça fait bizarre de le réécouter. Ouais, c'est ça fait tout du début. Bien, ouais, c'est kiffant. Ouais. Ouais, ouais, ça rappelle plein de choses, et plein de souvenirs, et c'est le début d'un gros truc qui commence. Donc ouais, ouais, c'est un vrai kiff. C'est le début. C'est ce que je disais. Ça me rappelle mais c'est le début en fait. Ouais. Voilà. C'est un signe. Alors on va dire. Ouais, on va dire ça. Ben après, j'ai choisi ce titre-là parce que j'étais déterminé et que je voulais absolument me battre pour y arriver. Et comme je disais, il y a encore peut-être quoi, 6-7 ans de ça, un jour j'arriverai à faire de la radio, un jour mes titres seront diffusés en radio. Ouais. Et voilà, je me suis battu pour et aujourd'hui on est là quoi. Et c'est un vrai kiff. On te reverra quand même. Bah ouais, quand vous voulez. Tu nous quittes pas comme ça. Moi, tu me tiens au jus, je suis prêt pour venir faire une date sur Orléans, je suis chaud patate. Je suis en train de préparer ça, tu vois, dans ma tête là, depuis tout à l'heure, je calcule, mais en tout cas, on te verra bientôt sur Orléans Showcase. Ce serait cool. Non, ça va être cool, ça va être sûr même. Je vais voir une date avec toi tranquillement, on va s'appeler régulièrement. Sans problème. Hein, bon, on n'est pas en couple, mais. Décidément, il va foutre la merde aujourd'hui. Au revoir, Anaël. Au revoir. Elle est toute rouge, non, c'est bon. Non, ça va. Elle parle pas, hein. Non, dis pas grand chose. Sympa, elle parle pas. C'est comme Bernardo dans Zorro. Je t'avais dit qu'elle était pas chiante. Ouais. Tu vas te faire tatouer son prénom. Non. Non, ça, il faut pas, parce que si tu changes, entre temps, t'imagines la merde. En tout cas, Di Rodriguez, je voulais te remercier d'avoir fait le déplacement. T'es venu de loin. C'est moi. Non, ça nous fait plaisir de te recevoir. Tu viens quand tu veux. Ouais, bah, c'est un vrai kiff toujours d'être là. Tu sais très bien, mon Francky, c'est quand tu veux. Ouais, on sera même au téléphone. Hein. Dès que t'as des nouveaux titres qui arrivent, eh bien, on sera heureux de les jouer sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, surveillez les réseaux. Là, si vous voulez rejoindre un petit peu mes réseaux, je me fais ma pub. Vas-y, je te lâche. Di Rodriguez sur Facebook. Donc, Di Rodriguez avec un S. Je suis portugais. Je revendique. Okay. Attention. Et donc après sur Instagram Di Rodriguez officiel, et sur Snapchat pour voir toutes les bêtises, les petits tratras les petits tratras habituels. Voilà. C'est Di Rodriguez musique avec un C à la fin. Voilà. Après sur YouTube les clips, les sons. Ouais, tout est sur mes réseaux, donc il y a les dernières. Le clip. Ouais. Il y a les trois clips, clips sont dessus. Sont là-haut. Et voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier parce que de me recevoir à chaque fois, et c'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous. Radio locale, mais on se marre bien. C'est pour ça que je viens, c'est parce qu'on rigole bien. Parce que 34 ans, ça perdure quand même. C'est une bonne nouvelle, et que ça continue comme ça, je vous le souhaite. Y a pas de problème, en tout cas, tu seras toujours le welcome, le bienvenu. C'est super gentil. Sur Radio Arc-en-Ciel. Merci mon Francky. Merci Di Rodriguez, merci à ton ami aussi qui nous a suivi, qui t'a supporté pendant une heure et demie. Avec les pompons et tout. Sympa, non mais c'est bien de se faire accompagner un petit peu comme ça. Ouais, c'est chiant d'être tout seul. C'est vrai que des fois, même en showcase, je pars tout seul, c'est pas évident tout le temps. Facile, non, c'est clair. C'est bien. Y a un petit encouragement. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Un gros bisou à tout le monde. Était notre invité aujourd'hui sur l'Arc-en-Ciel, on le remercie. On est en direct comme tous les jours. Et puis on vous souhaite une fin d'après-midi. Si je coupe les micros, ça va parler. Hein. 17h33 minutes avec de la Kizomba, qu'on me dit aussi. Badoxa et Controla, c'est sur l'Arc-en-Ciel. Non tenga miedo de mi agarra, toque mi aperta, mi amasa. Si non da tua gusta, non consigo mi controlar. Tem cuidado da mi cuia, não dá mesmo para parar. Cata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Cata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. Fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Não tenha medo de me agarrar. Toque em mim, me aperta, me amassa. Falar a sério, gosta no canto.

le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et on a passé une superbe après-midi à 1h30 en compagnie de G. Rodriguez, un super mec hein, comme d'hab. Ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Heureux d'être là aussi demain, la température hein, va baisser encore à hein, 10 degrés. Et ouais, 10 degrés, ça va cailler le matin jusqu'à 13-14 l'après-midi. Malheureusement, la pluie est au rendez-vous, les nuages aussi. Donc demain, préparez le Kawaii à l'ancienne. Un bon vieux Kawaii du Portugal qui arrive. C'est Ainote en Locura et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Sur un avant-ciel, heureux d'être avec vous. Quel super mec ce G. Rodriguez. Eh ouais, le carton avec son nouveau hit. Entre tout. Et hey, yo, mais celui-là que je préfère, moi, c'est celui-là. Avec Macassi quand même. Il n'y a pas à chier, c'est le meilleur. Voici Macassi. G. Rodriguez, il était notre invité il y a moins de 3 minutes sur un avant-ciel. Es la primera vez que yo te veo. Esa sola no lo creo. Dime por qué me miras con esos ojos de amor. Quiero saber lo que tú piensas. Que no me quieres, no me lo digas. Eres el amor de mi vida, mi querida, mi princesa. Tengo muchas cosas para darte. Mil poemas, mil canciones. Si quieres ser mi reina, mami, entonces escúchame. G. Rodriguez, G-Wack Music, vamos mi gente. On se câline, on rigole comme des amis. Mais tu as tes humeurs, tu as fait tes affaires. Je te laissais partir car j'étais en colère. Mais imagine pas ma vie seule. Je te veux matin, midi, soir. Et là j'ai besoin de toi. Dis à moi, t'es à moi. No puedo hacerlo. haces falta si ya no puedo vivir sin tu amor. Hoy, hoy, hoy mi amor. Celui-là, c'est mon préféré, avec J. Rodriguez, Macassis, Studwatt. Bientôt en showcase sur Orléans et je vous tiens au courant très très rapidement. Vous allez pouvoir le voir sur scène, hein, et puis vous allez voir, ça déménage, moi je vous le garantis. Il est 17h46 minutes. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Non, j'étais en train de chercher le nom de l'émission. Après, ouais, c'est les balcons d'Espagne avec Shaky qui arrive, l'Espagne. En honneur, juste à 18h avec du son d'Espagne. C'est olé, olé, olé. Merci à Benoît qui est là. Merci à Antoine aussi qui sont dans les studios de la radio. C'est plaisir de les retrouver. Ed Sheeran, ouais, il va arrêter un petit peu sa carrière. Il va faire une petite pause. Et là, on le retrouve en duo avec Andrea Bocelli. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Possibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te. Sera, vedi, sei perfetta per me. J'adore cette reprise avec Andrea Bocelli. Et Sharon, tu es parfait, parfait ce soir. Eh, vous êtes parfait, 17h50 minutes. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h. sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Demain, on ira faire un tour dans le désert du Maroc. Ouais, ils seront nos invités, le 4L Trophy. Ça va être énorme, hein. Ils vont bientôt partir. Et puis la semaine prochaine, alors là c'est l'exclusivité encore, on est la première radio à le faire. Il sera dans les studios, c'est Virgil Waza, hein. Il est parti faire le tour du monde à pied. Il est rentré à cause des intempéries en Alaska, il y avait trop de neige. Il est parti il y a un an, il était venu la veille à la radio. Et là il vient de rentrer sur Orléans, et ben, il sera là lundi à partir de 16h jusqu'à 18h, une émission consacrée à Virgil Waza qui est parti faire le tour de la planète. Alors il est passé à la télé, il est passé partout, et ça c'est la grosse exclusivité. Il m'a consacré le premier interview radio, et eh bien il sera là. Ne ratez pas cette superbe émission lundi prochain. Virgil Boisard, il est parti faire le tour de la planète à pied, imaginez-vous. Il sera dans les studios lundi, ne ratez pas ça. Et puis Jackie qui arrive dans moins de 3 minutes sur l'arc-en-ciel. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Red One, Mr. Red, my man Shaki. Habibi, I love you, I need you, Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you, Habibi, la vie n'est rien comme des voyages. Ah, ça me sourit de toi et je revis. Tu es ma terre, tu es mon pays. Des mondes de temps, j'ai rêvé de ton amour. For the bread and butter, yeah, they try to toast me. I'm married to the game, but the game don't love me. It'll leave me in a heartbeat, that's why I'm cold-blooded. When I say I love you, I mean it deeply. I can't see life without you living with me. And if you love someone, I know you feel me. When I say before they take you, they want to kill me. Even when you're gone, I'ma hunt you like a Chris Webber timeout final four. So till the sky comes crashing down, world falls apart. Till death do its part, you my heart for sure. Habibi, I love you, I need you. Habibi, mon cœur ne bat que pour toi. Habibi, I love you, I need you. Habibi, la vie n'est rien comme des comme le soleil à chaque matin. Tu fais de ma vie un paradis. Viens et danse avec moi. Vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée.